c'est j'aurais toujours quelqu'un à qui parler, quelqu'un un petit peu bourré. Hey, Toto, on en remet une. On va partir sur une patte. Et on remet pas. Et de une, j'ai aucune volonté. De deux, je suis influençable. Alors, moi, m'en fous, je conduis pas. Ben, moi, oui. Et on va partir sur une patte. Allez, Véro, remets-en une, va. C'est pour moi. Mets-en une. Patrick Hez, t'en bois une. Allez, ciao. Bon, oh, ça part là ? Encore ? Putain, c'est pas possible, on peut jamais s'en sortir dans ce putain de bar. Allez, oh, allez, allez, on s'est armé ! Oh putain, et on est pas sorti, ouais, hein. On est pas sorti, hein. Aïoli, aïoli. Aïoli. Aïoli. Parce qu'au toit, tu arrives, tu peux jamais repartir. Tu repars jamais. Tu repars jamais. Eh ben, c'est là, tu l'auras pas rentré. Tu l'auras pas volé celle-là. On m'a donné. Alors là. Ah, non, c'en est, on se casse. Allez, on se tire. On n'a pas que ça à faire. On boit celle-là, on se casse. On tourne les chiens et on se casse. Salut les gars. Voilà. Bon, et c'est pas tout ça. Il y a l'enregistrement à finir. Allez, on arrête.